on a créé notre affaire à tous à l'été 2015 avec une part de gens qui étaient des militants du climat, par exemple chez Alternatiba, et une part de notamment des juristes, mais pas que, de gens qui venions de la bataille pour la reconnaissance des écocides et des droits de la nature. Et donc ensemble, à un moment, on s'est dit qu'il y avait une opportunité. On était quelques mois avant la COP21, mais aussi quelques semaines après la décision d'Urgenda aux Pays-Bas, et où on s'est dit qu'on pouvait faire avancer le droit, pas seulement par le plaidoyer et par l'action sur les textes qui sont adoptés, mais aussi par l'action en justice, et que finalement, si on n'avait toujours pas de mécanisme contraignant, que ce soit pour le climat, pour la biodiversité, pour les océans et pour le reste des communs, on pouvait faire émerger une jurisprudence à travers chacun des États qui parviennent à terme à créer une jurisprudence internationale sur la protection des communs. Et donc c'était vraiment ça notre démarche, de dire on va continuer à agir sur les chefs d'État pour que des lois nationales, régionales comme avec l'Union européenne ou internationales puissent être adoptées, mais dans le même temps on va porter une jurisprudence nationale plus ambitieuse pour la protection des communs et s'allier aussi avec d'autres mouvements pour la justice climatique, notamment autour du monde, pour pouvoir avancer ensemble, s'appuyer sur les mêmes arguments, faire avancer les mêmes préoccupations, les mêmes fondements, les mêmes préconisations aussi, de sorte à pouvoir faire émerger un peu cette jurisprudence et ce droit international contraignant, là où on voit que, par exemple, les multinationales le font à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le droit global, et notamment tout ce qui est les cours d'arbitrage privés ou encore les règles instituées par l'OMC. Mais face au droit des contrats au niveau international, il fallait qu'on ait aussi un droit citoyen, un droit de la planète qui puisse émerger. Et donc c'est dans ce combat-là qu'on s'est lancé donc en août 2015. Aujourd'hui, notre Affaire à tous est une association qui fait du droit un objet autant qu'un sujet de mobilisation, dans le sens où effectivement on va s'appuyer sur le droit pour faire avancer la question des communs, du climat, de la biodiversité, des droits de la nature, mais aussi faire un sujet du droit, un sujet de mobilisation, en faisant avancer des préconisations pour un autre droit et pour vraiment adapter le droit actuel aux défis du XXIe siècle. Et dans le récit général, on soulève notamment qu'au moment de la révolution industrielle, parmi les revendications des ouvriers, il y a eu le fait d'établir une responsabilité sans faute des employeurs sur, par exemple, les accidents du travail, et qu'aujourd'hui, on n'a pas de responsabilité réelle, ni civile ni pénale, pour ce qui concerne les pollueurs. Et donc on a par exemple le principe du pollueur-payeur, on commence à avoir des principes de responsabilité à travers le préjudice écologique en France, mais qui sont encore des régimes de responsabilité très neufs et très faibles, et on a vraiment besoin d'avancer pour qu'il y ait une prise en compte autonome de l'environnement, sans le lier à d'autres atteintes aux droits, aux biens, aux personnes, etc. Et pouvoir faire avancer à la fois le préjudice écologique, mais aussi qui est un délit autonome de l'environnement, un crime autonome contre l'environnement, et puis la reconnaissance des écocides. Il y a de nombreuses autres revendications qu'on porte. Donc nous avons porté 5 revendications à partir du 3 novembre 2017. Premièrement, l'inscription du climat dans la Constitution. Donc là, on voit qu'on est en pleine actualité. Deuxièmement, la reconnaissance des écocides au niveau international. Troisièmement, le fait que les citoyens puissent ester en justice. Or, ce qu'on observe aujourd'hui, dans toutes les réformes qui sont portées, et notamment la réforme de la justice qui est en cours de discussion, c'est qu'il y a un vrai recul de la possibilité pour les citoyens d'ester en justice pour l'environnement. Quatrièmement, c'est la prise en compte des émissions importées. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas seulement de l'empreinte écologique de la France, mais de l'empreinte écologique des Français. Et puis, la dernière chose, c'était l'obligation, qui est une obligation qui est réelle et effective en ce qui concerne les droits humains et qui doit être effective pour en droit de l'environnement, une obligation d'agir en régulant le secteur privé. Donc ça, ce sont nos 5 revendications principales, mais on en a de nombreuses autres. Donc je vous ai parlé du délit autonome d'atteinte à l'environnement, du crime autonome d'atteinte à l'environnement. On a aussi une possibilité d'inverser les charges de la preuve dans certains domaines du droit, ou de changer la manière dont on appréhende le lien de causalité. Et on a plusieurs exemples à cet égard-là, par exemple sur les accidents nucléaires, enfin les expérimentations nucléaires qui ont été menées au Maghreb, et où on a un lien de causalité qui est inversement proportionnel à ce qui se fait d'habitude, dans le sens où il est considéré comme immédiat et systématique que des personnes qui souffrent de certaines affections l'ont été à cause des accidents nucléaires, des expérimentations nucléaires, et on pourrait tout à fait imaginer le même régime pour tous les sujets environnementaux. Et donc voilà, donc nous on axe vraiment notre action sur les deux choses, à la fois le droit en tant qu'objet, qu'outil pour faire avancer notre cause, et à la fois le droit en tant que devant être adapté à l'anthropocène et aux conditions actuelles environnementales.